Les prophètes Nahum et Habakkuk. Les hommes que l'on a appelés petits prophètes étaient en réalité des géants de la foi. Ils ont vécu en des périodes et des circonstances fort diverses, mais ils ont tous été associés à la révélation du plan de Dieu, chacun d'eux ayant la responsabilité de communiquer l'un des aspects de ce plan. Ainsi, Osée a montré que l'iniquité d'Israël faisait appel au jugement de Dieu. Joël a précisé le moyen de ce jugement, l'invasion assyrienne. Quant à Amos, il parle déjà de captivité et de dispersion d'Israël. Puis les prophètes s'en prennent aux nations d'alentour. Abdias proclame la punition d'Édom parce qu'il s'est réjoui des malheurs de son frère Israël. Jonas transmet le décret du Tout-Puissant au sujet de Ninive, la capitale des Assyriens. Michée revient à Israël et Juda en annonçant successivement leur châtiment et leur rétablissement. Ensuite, Nahum fait entrer dans sa prophétie un nouvel élément, les Chaldéens, qui châtieront Ninive et feront trembler les nations. Enfin, Habakkuk montre qu'après leur triomphe, les Chaldéens seront frappés à leur tour lorsque Dieu interviendra en faveur de son peuple. Si donc nous considérons ces prophéties dans leur ensemble, nous constatons qu'une main invisible agit comme si elle rassemblait et mettait en place les pièces d'un gigantesque puzzle. Alors que la plupart des prophètes précédents ont fait entendre leur voix au 8e siècle avant Jésus-Christ, avec Nahum et Habakkuk, nous sommes au 7e siècle. Les 10 tribus israélites du Nord ont déjà été emmenées captives dans les villes d'Assyrie et la déportation de Juda à Babylone est imminente. On pourrait croire que Dieu a renié ses promesses et abandonné son peuple entre les mains de ses ennemis. Mais il n'en est rien. De son trône céleste, Dieu dirige le cours des événements comme il l'a toujours fait et comme il le fait aujourd'hui encore. Les Assyriens se sont montrés cruels en frappant d'innocentes victimes en Israël. Ils ont tourné en dérision le Dieu des Juifs et ils ont même installé leurs idoles dans toute la Samarie. Ces crimes font appel au jugement divin. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Nahum 1, 1 à 2. Alors que, comme le montre Nahum à diverses reprises, Dieu fait encore preuve de patience envers Juda, il est plein de fureur contre Ninive. 3 générations se sont vraisemblablement succédées depuis la proclamation de Jonas dans les rues de Ninive et l'extraordinaire réveil spirituel qui en était résulté. Mais Ninive a oublié ses actes de repentance. Ses habitants se livrent à nouveau au mal, et il appartient à Nahum de montrer que la patience de Dieu parvient à son terme. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Nahum 1, 3. Une tempête terrible s'approche de Ninive. Et Nahum la décrit dans la verve poétique d'un style passionné. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. On tombe sur les morts. Nahum 3, 1 à 3. Ces paroles ont trouvé leur accomplissement en l'an 612 avant Jésus-Christ. Une crue exceptionnelle du Tigre a fait s'écrouler une partie des murailles de Ninive et l'armée chaldéenne, conduite par Nabopolassar, gouverneur de Babylone, en a profité pour conquérir la grande ville. Passons maintenant à Habakkuk. Comme Nahum, il prophétise sur l'armée chaldéenne qui, cette fois, envahit Juda épargné jusqu'alors. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Il assemble des prisonniers comme du sable. Il se rit de toutes les forteresses. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Habacuc 1, 6 à 11. Décidément, ce nouvel ennemi s'est insurgé contre Dieu et a dépassé la mesure. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand ? Habacuc 2, 5 à 6. Dieu a jugé bon de punir Juda, mais il n'a pas pour autant approuvé les actes sanguinaires et la cruauté des Chaldéens. Le jour viendra où l'envahisseur sera envahi à son tour, et où Babylone, qui fait trembler le monde, tremblera devant ses juges. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain ? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas ? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Habacuc 2, 7 à 8. Ainsi, Habacuc prévient ses compatriotes à la fois de l'invasion babylonienne et du châtiment que Babylone connaîtra par la suite. Car le bras souverain de celui qui règne dans les cieux va se mouvoir en jugement. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dieu vient. Il s'arrête, et de l'œil, il mesure toute la terre. Il regarde, et il fait trembler toutes les nations. Habacuc 3, versets 2 et 6. Habacuc achève sa prophétie en magnifiant la grandeur et la sainteté de Dieu dans un hymne de louange qui rappelle les psaumes de David. Cette analogie est soulignée par l'épilogue du chapitre 3. Au chef des chantres avec instruments à cordes. Habacuc était probablement l'un des lévites chargés de la musique dans le temple de Jérusalem. Mais il était avant tout une sentinelle et un homme de foi. Au moment critique de l'invasion babylonienne, le prophète veille et s'attend aux directives de Dieu. Habacuc 2, 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais le juste vivra par sa foi. » Cette dernière phrase est semblable à un diamant qui brille sur un fond sombre. Elle annonce un principe qui va diriger les multitudes au cours des siècles. Elle sera citée à trois reprises dans le Nouveau Testament, Romains 1, 17, Galates 3, 11, Hébreux 10, 38. Elle exprime le thème central de la Bible et résume l'expérience historique de l'Église universelle de Jésus-Christ. Le juste vivra par sa foi. Mais comment vivre aujourd'hui de cette foi ? Pour vivre de la foi, il s'agit d'abord d'être du nombre des justes. Aucun homme n'est naturellement juste. L'Écriture dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Romains 3, versets 10 et 12. Mais Christ, le juste, offre sa justice aux coupables. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3, 18. En lui, nous sommes pardonnés. Par lui, nous devenons justes. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Et c'est elle qui nous fait vivre en juste. Cette foi transforme la vie des croyants en vainqueurs pour Dieu. Comme au temps des prophètes et des apôtres, le juste peut vivre aujourd'hui de sa foi. Quel merveilleux secret pour triompher même dans l'adversité. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Dans le domaine spirituel, la foi conquiert des royaumes et renverse des montagnes. La foi fait vivre l'Écriture sainte. La foi transforme les connaissances bibliques en puissance. La foi s'approprie les promesses divines et attend leur réalisation. La foi renverse les obstacles qui se dressent sur notre chemin. La foi réchauffe les âmes et les gagne à la cause de Christ. La foi défie l'opposition de l'adversaire en nous faisant participer à la victoire de Christ. La foi transforme les situations inextricables en chef-d'œuvre des interventions de Dieu. La foi illumine les jours sombres que nous vivons de l'espérance des siècles à venir. Lorsque l'enfant de Dieu sonde les Écritures pour s'en nourrir, sa foi grandit et s'épanouit. Il apprend à voir les choses comme Dieu les voit. Il prie son Seigneur en s'attendant à des exaucements. Il compte sur ses interventions dans la vie de tous les jours. Il prend ses décisions en recherchant ce qui est agréable à Dieu, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Par la foi, il se réjouit de la rencontre avec son Seigneur et de la gloire à venir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Un petit garçon voyageait seul dans un train. Pleine de commisération, une dame voulut entrer en conversation. « N'as-tu pas peur de faire un si long voyage tout seul ?»« Oh non, madame, je ne suis pas seul. Mon papa, c'est le mécanicien du train. » Vivre par la foi, c'est se confier sans réserve au mécanicien du train, à celui qui conduit les événements du monde et veut diriger et employer nos vies. Sera-t-il dit de vous, le juste vivra de sa foi ?